Merry Christmas. Studek Web. Il est 15h sur Studek Web, bienvenue. Studek Web, les infos. L'actualité en 2 minutes 30, Anthony Kaczmarek, bonjour Anthony. Bonjour Anaëlle, bonjour à tous. La menace terroriste est toujours au cœur de la vie de notre nation. Ce sont les mots prononcés ce midi par Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres en réaction à l'attentat de Strasbourg. Le président a également appelé les responsables politiques au calme et à la retenue avant de réunir un conseil de défense. Un peu auparavant, c'est le procureur de Paris, Rémy Heitz, qui s'est exprimé. Il a précisé que des témoins avaient rapporté aux enquêteurs avoir entendu le suspect crier « Allahu Akbar » avant de perpétrer ses actes. Le bilan toujours provisoire de l'attaque fait état de 2 morts, une victime en état de mort cérébrale, 12 blessés, dont 6 en état d'urgence absolue. Hier soir, donc vers 20h, le suspect a ouvert le feu avec une arme de poing dans plusieurs rues du centre historique de Strasbourg et à quelques mètres du marché de Noël. Il a tiré sur des militaires de l'opération Sentinelle qui l'ont blessé au bras. L'homme a ensuite braqué un chauffeur de taxi qu'il a conduit dans le quartier du Neuhof, où il a échangé des coups de feu avec les policiers. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête et le plan Vigipirate au niveau national a été porté au niveau maximal urgence attentat. La traque du tireur se poursuit toujours 19 heures après l'attaque. Une fuite en Allemagne n'est pas exclue malgré les contrôles aux frontières. Shérif C, c'est son nom, 29 ans, né et résident à Strasbourg, était connu des services de police et de justice. Il était fiché S pour radicalisation religieuse. Son casier judiciaire comporte 27 condamnations pour des faits de droit commun commis en France mais aussi en Allemagne. Ses parents et ses deux frères ont été placés en garde à vue. Strasbourg, capitale de Noël, est donc en état de choc aujourd'hui. Le marché de Noël, qui accueille chaque année 2 millions de touristes, est fermé pour raisons de sécurité. Des manifestations culturelles et sportives sont annulées. Le glas de la cathédrale de Strasbourg a sonné durant 10 minutes ce midi pour rendre hommage aux victimes. Dans le reste de l'actualité, la motion de censure de gauche contre le gouvernement pourrait être reportée en raison de l'attaque de Strasbourg. C'est ce que demandent ses signataires qui devaient la défendre demain pour dénoncer la gestion de la crise des gilets jaunes par le gouvernement. Et puis deux nouveaux matchs de Ligue 1 prévus vendredi et samedi, Nice, Saint-Etienne et Nantes-Montpellier sont reportés en raison de la mobilisation des forces de l'ordre sur ces autres événements. Enfin, à Londres, Theresa May est sur la sellette. Elle affrontera ce soir un vote de défiance organisé par son parti conservateur dont certains membres s'opposent à l'accord sur le Brexit. Selon un des comptes de la BBC, la première ministre britannique pourrait être gagnante et dans ce contexte, la livre monte face à l'euro et au dollar. Un coup d'œil rapide sur votre météo. Le temps est plutôt ensoleillé sur le pays cet après-midi, sauf sur le flanc ouest où quelques nuages peuvent lâcher quelques averses. Les températures, comptez 3 à 14 degrés, 5 à 10 près de l'Atlantique et 10 à 14 près de la Méditerranée. Tout de suite, place à Studek Borderline avec Annaëlle Godefroy. Merci Anthony, retour des infos dans moins d'une demi-heure. Studek Borderline, au bord de la culture, au bord de la connaissance, au bord de la connerie. 15h, 16h, c'est Borderline sur Studek Web. Bonjour à tous, bienvenue sur Studek Web, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Mercredi 12 décembre, c'est reparti pour une nouvelle émission Borderline. On commence par donner notre pensée qui va évidemment aux habitants de Strasbourg. On pense bien à vous dans ce moment très difficile. On reste avec vous pendant une heure. Studek Borderline, c'est l'émission qui n'a pas de limite. Oui, parce qu'ici, vous allez tout entendre. Hein. Un sondage, le portrait pop rock du jour et les bons plans, même avec un jeu auquel vous allez participer avec nous. Vous dites quel programme, comment va-t-elle faire pour s'en sortir. Évidemment, je ne suis pas seule pour présenter cette émission. Lucas est avec moi. Salut Lucas. Salut Anaëlle, salut tout le monde. Alors Lucas, on te retrouve dans quelques minutes pour le sondage du jour et la culture urbaine. Et puis tu nous présenteras les spectacles en deuxième partie d'émission. Exactement, avec Florence Forestier au programme. Très bon programme. Thomas est avec nous aussi. Toi, tu vas nous donner quelques infos inutiles. Salut Thomas. Salut Annaëlle, bonjour à tous. Oui, effectivement, quelques infos inutiles. Et mon fameux, le saviez-vous? Comme toujours. Studek Borderline, c'est aussi de la bonne musique. Jane, Ariana Grande et Marwa Loud sont au programme sur Studek Web. Le saviez-vous? Studek Web vous dit tout. Les Anglais n'auront jamais de président. La tomate est un fruit. Les dauphins sont des violeurs. Avec Studek Borderline, vous vous coucherez moins bête. Thomas, tu vas maintenant tenter de nous instruire. Oui, je dis bien tenter parce qu'il y a du boulot. Il y a du boulot, ouais. Je vais vous tenter de vous apprendre des choses que vous n'avez même pas soupçonné. La première info concerne nos amis les chiens. Des chercheurs ont étudié leur cas. Oui, calme-toi Rex. Ils ont ainsi déduit qu'ils étaient capables de comprendre environ 250 mots et gestes. Mais ce n'est pas tout. Ils peuvent également compter jusqu'à 5 et effectuer des calculs simples de mathématiques. Ces résultats ont été obtenus grâce au test, à développer le langage et la réflexion chez les enfants. Ainsi, les chercheurs ont estimé qu'en moyenne, un chien est aussi intelligent qu'un humain âgé de 2 ans ou qu'un Lucas Foy. Annaëlle, Lucas, est-ce que vous faites du sport? Bien sûr, un petit peu de tennis de temps en temps. Est-ce, que vous mettez de la musique quand vous faites du sport? Oui. Oui, toujours. Bah alors, des fois je vais à la salle, quand je fais du tennis, non. Oui, c'est un petit peu plus difficile. Et bien vous faites bien, parce que sans une étude, écouter de la musique pendant une séance de sport améliorerait vos performances physiques. En gros, les éléments de la musique, à savoir le tempo et la voix, vont modifier l'état d'esprit de la personne. Cette personne va donc ainsi être distraite et n'aura plus conscience de la douleur ou encore de l'inconfort. Pour vous dire à quel point ce phénomène est pris au sérieux, certaines organisations sportives craignent que la musique soit si efficace que du coup ça donnera un avantage face à la concurrence dans les compétitions par exemple. Alors dans certains cas, il est tout simplement interdit d'écouter de la musique quand le sport se déroule. Vous n'avez donc plus aucune excuse pour vite enfiler un jogging et non pas pour larver sur le canapé, mais pour par exemple aller courir. Et enfin, dernière petite info, savez-vous que certaines personnes gagnent le plus d'argent quand elles sont mortes? Même après un décès, la célébrité ne s'arrête pas. C'est notamment le cas de Michael Jackson, le roi de la pop, continue de gagner pas moins de 140 millions de dollars par an. Pas mal, cela s'explique par des ventes de ses anciens albums qui continuent toujours, la réalisation d'un album posthume et non post-tune, attention, et encore les produits dérivés. Ainsi, Michael Jackson est resté l'artiste le mieux payé au monde, même après sa disparition devant la chanteuse Beyoncé, qui totalise 115 millions de dollars de recettes. Oui. Ouais, bonne technique pour gagner de l'argent, sinon faut jouer au loto. C'est ça. Mais bon. En parlant de chiffres, le sondage arrive sur Studek Web. Petit pourcentage spécial Noël avec Lucas pour célébrer l'arrivée des fêtes. En attendant, on va écouter la française qui a du succès partout dans le monde en ce moment. C'est Jane sur Studek Web. To look down at you, things gonna be. Elle démarre sa tournée le 1er mars prochain au Zénith d'Amiens et elle passera par Paris le 20 mars. Parlons chiffres maintenant. Lucas nous a dégoté le sondage du jour spécial Noël. Exactement, on va parler des jeunes et de Noël parce que les deux vont bien ensemble. Ah bah oui. J'ai regardé des sondages pour les jeunes qui ont été sondés entre 18 et 25 ans. D'accord. Et on apprend que les jeunes sont fans de surprises. Oui, puisque 67% des jeunes interrogés donc préfèrent recevoir des cadeaux à Noël plutôt que de l'argent. D'accord. Alors moi je pense que je fais partie de ces jeunes-là. Ouais, c'est la folie d'ouvrir un cadeau de Noël, ouais. En fait, t'ouvres une enveloppe, il y a pas de surprise quoi. Bah c'est ça. Pas, bah, le montant qu'il y a dedans quoi. C'est ça. À moins qu'il y ait un coupon resto ou un truc du genre, tu vois. Mais sinon il y a pas de... Tiens, joyeux Noël, un ticket de resto 8 euros. Oui, je suis d'accord. Pas ouf, sinon il y a pas de surprise quoi. On est d'accord, c'est pas très ouf. Et donc pour les jeunes qui préfèrent avoir des cadeaux, 27% préfèrent des vêtements, des chaussures, 21% souhaitent des produits high-tech, 15% des produits culturels, ce qui est assez étonnant, et 7% ont commandé des jeux. Alors non, toi, mais... t'es pas du tout cliché. Les jeunes et la culture, non, ça va pas très bien ensemble. Culturel qui est étonnant. Non, mais si, bah, tu sais, culturel, t'as aussi livres, enfin, c'est vrai, tout c'est ce qui est vrai, DVD, lecteurs, tout ouais. ça, ça compte dans la culture. Ah, ou les jeux d'éveil pour les petits. Tu préfères avoir quoi, Noël ? Moi, j'aime bien, bah là, tu vois, j'ai demandé des vêtements, pourquoi pas des petits livres, mais j'aime bien avoir des surprises aussi. Voilà. Mais en tout cas, merci Lucas, on reviendra sur le sondage tout à l'heure avec la réaction d'un auditeur en direct. Bon Thomas, toi tu as un petit stock d'histoires insolites à nous présenter. Et oui, dans le plat du jour aujourd'hui, je vous propose un plat qui se mange sans fin, un plat léger et facile à digérer, puisque je vais simplement vous parler des faits insolites anciens ou du moment. La première étude date de 2009, pardon, et nous emmène en Angleterre où habite Pemberton, Zoé Pemberton. Cette jeune Britannique âgée de 10 ans à l'époque a simplement mis sa grand-mère en vente sur eBay. Donc bien évidemment, la fille a détaillé l'article en vente. C'est horrible. Elle a notamment marqué énervante et agaçante. Bon, heureusement, elle a quand même marqué des points positifs, très câline et adore les mots croisés. C'est déjà ça. Et est-ce que la grand-mère était au courant ? Non, je ne crois pas. Ça va très bien. J'espère pas pour elle. Bon, rassurez-vous, j'ai appelé la grand-mère justement. Elle va bien. C'était qu'une simple plaisanterie, pardon, qui n'a pas empêché certaines personnes de faire des offres à plus de 20 000 euros. La vente avait bien sûr été fermée bien avant pour cause de violation des politiques de vente. Retour en France pour ce qui se fait d'insolite en plein d'actualité, puisqu'il est le sujet des gilets jaunes. Voilà, c'est l'extrait de manifestation de gilets jaunes. Hugo Lefebvre, un jeune créateur d'escape game, a décidé de surfer sur le mouvement en proposant tout simplement un escape game gilet jaune. Le but, rassurez-vous, c'est pas de fuir une manifestation en moins d'une heure, puisqu'il s'agit d'un logiciel gratuit sur internet. Pour jouer, le maître de jeu doit imprimer les indices sur le site et les cacher dans une pièce. Les joueurs ont ainsi de 15 à 30 minutes pour les retrouver. Le but du jeu est de finir par proposer des solutions à Emmanuel Macron pardon, face à la crise. Bien évidemment, le créateur justifie son action en disant vouloir faire le buzz et pour faire de la pub. Est-ce que cette musique vous parle ? Ah oui. C'est qui ? Elvis. Oui. Elvis comment ? Presley. Ok, non, c'est Presley. Il y a une blague là-dessus de beauf. Bref. Il s'agit de la chanson Jailhouse Rock d'Elvis Presley. Mais pourquoi je vous parle d'Elvis ? Eh bien, simplement parce que la petite ville allemande de Friedberg, où Elvis Presley a effectué son service militaire, a installé 3 feux tricolores à son effigie. On y reconnaît ainsi plusieurs silhouettes du chanteur connu comme celle de son déhanché légendaire. Ah là là, ce cher Elvis. Toujours la banane celui-là. Hein. Oui. Par rapport à la coiffure, Elvis Presley. On adore l'humour, nous, hein, sur Studio. Vous avez aimé ma blague ou pas ? Oui, j'adore. Moi j'ai kiffé. Voilà. Moi, j'ai kiffé. On adore l'humour, on adore aussi Marwa Loud, enfin surtout moi, hein, je saoule tout le monde avec elle, je suis fan de sa musique. Voilà, un de ses plus grands succès, c'est Fallait pas sur Studio Club. Même tes potes. qu'est-ce plus à croire sur terre, il n'en reste qu'à aller. T'allais tout donner, mais fallait pas la laisser te piquer, gros. Ils t'ont tous abandonné, donné. Ils veulent plus de toi ici, laisse-les passer leur soirée. Pourtant t'es belle, c'est ballon. T'as mis tes plus beaux talents, tes talents. Mais ça suffit plus, maintenant ce qu'ils te souhaitent c'est que du malheur. Gros talent. Studekweb, si des Belges nous écoutent, sachez qu'elle jouera pour la première fois chez vous les 26 et 27 avril prochains. Dans Studek Borderline, on vous en apprend tous les jours. Pardon, je suis un petit peu perdue. J'en suis déjà à ma 12e case du calendrier de l'Avent. Par contre, pour les cadeaux, c'est la tuile. J'ai rien du tout. Lucas, je sens que tu es la personne idéale pour m'aider. Exactement. Le compte à rebours est lancé et il avance vite. Très très vite. On n'a plus que 12 jours avant Noël. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ah, les marchés de Noël. Après le pôle Nord, c'est l'endroit où la magie de Noël est la plus présente. Vin, jus de pomme chaud, pain d'épices, jouets en bois et décorations lumineuses. Tout est réuni pour plonger en plein téléfilm de Noël. Je vais donc vous présenter trois marchés de Noël un peu partout en France qui se démarquent par leurs particularités. Et avant de commencer, bien sûr, toute l'équipe de Studacweb et moi-même avons une pensée pour nos amis strasbourgeois après la fusillade d'hier soir. La magie de Noël continue malgré tout, en espérant que cela n'éteigne pas votre sourire et votre amour pour Noël. Numéro 3, la fabrique du Père Noël à Paris. La course aux cadeaux a commencé en même temps que le début de la calendrier de l'Avent à Noël. Hein. Oui. Et comment dénicher des cadeaux à la fois tendance et assurant la promotion de jeunes créateurs français ? Le rendez-vous est donc pris à la fabrique du Père Noël, un pop-up store qui s'installe au cœur du quartier historique du Marais à Paris. Pour sa 5e édition, vous retrouverez là-bas la crème de la crème de la création française. Tous les mardis, une vague de 20 nouveaux jeunes marques qui permettra d'acheter des cadeaux aux petits et grands. Tous les jeudis, des apéros créateurs où vous pourrez rencontrer des créateurs. Et nouveauté cette année, la fabrique est des meet-up, développement de son bien-être au quotidien à travers des ateliers de sophrologie, coaching en images, prise de parole et des nouvelles start-up. Numéro 2, le marché de Noël de Metz. Il n'est pas deuxième car il est ma ville d'origine, même si ça aurait pu, mais il est deuxième car c'est l'un des plus beaux en France. L'originalité de ce marché de Noël, il est réparti sur 7 endroits différents dans la ville. Du coup, en même temps de faire votre marché, vous pourrez visiter la très belle ville de Metz. Et le parcours se termine par le marché de Noël au pied de la cathédrale. Un verre de jus de pomme chaud, un tour de grande roue et vous avez votre dose de magie de Noël pendant minimum 2 ans. On termine avec la meilleure musique de Noël pour le meilleur marché de Noël du monde, celui de Strasbourg. On pense encore très fort à nos amis strasbourgeois. Le marché de Noël est malheureusement fermé aujourd'hui. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il réouvrira. Mais cette année encore, c'est bien Strasbourg qui a été élu meilleur marché de Noël du monde devant Vienne, Montréal, Florence ou encore Francfort. CNN Travels, la plateforme découverte du célèbre magazine américain, a tranché. Et cette année, le marché de Noël mettra en avant la Finlande à l'honneur. D'ailleurs, on devrait parler de plusieurs marchés car au pluriel, car la ville regorge de spots où dénicher des cadeaux de Noël parfois tendance et arty. C'est jusqu'au 30 décembre et vous avez plus d'infos sur noel.strasbourg.ue. Et on vous met aussi toutes les infos sur la page Facebook de Studekweb. On joue au jeu des poupées russes sur Studekweb. Dans Studek Borderline, on joue ensemble aux poupées russes. Le principe est le suivant: vous serez avec nous en direct sur Studek Web et jouerez soit contre Thomas, soit contre Lucas. Ils défendent chacun leur thème. Thomas, je te laisse annoncer le tien. C'est la boulangerie pour moi. Lucas, les animaux. Pour participer, envoyez-nous un message privé sur la page Facebook de Studek Web et dites-nous qui vous voulez affronter. Alors Lucas avec ses animaux, Thomas à la boulangerie, ça n'a pas trop de rapport, hein. Attention. Attention, on vous prévient, un thème peut en cacher un autre. Chez nous, il y a des thèmes et des sous-thèmes. Les poupées russes, c'est à 15h50 sur Studek Web. Mais avant ça, ne vous inquiétez pas, on a de quoi vous occuper. Dans quelques minutes, un auditeur sera avec nous pour réagir au sondage du jour. Et on vous prévoit aussi de la musique sur Studek Web. On écoutera Ariana Grande, son dernier titre Thank You Next, puis aussi, il y aura aussi pardon Joyce Jonathan avec On sur Studek Web. A tout de suite. Alors, test. Salut, c'est Fanny Agostini sur Studek Web. Bonjour, c'est Laurent Fontaine, écoutez Studek Web. Studek. La web radio des nouveaux talents. Salut, c'est Vincent Vinel sur Studek Web. Bonjour, Jean-Claude Camus, je suis sur Studek Web. Salut, c'est Pascal Gigot, comme vous, j'écoute Studek Web. Ah, pas tout le temps non plus, hein. Mais de temps en temps, on aime bien. Bonjour, je suis Benoît Archlosberg, le directeur du conservatoire d'Issy-Moulineaux. Et vous êtes sur Studek Web. Tous vos artistes préférés sont sur Studek Web. Merci à vous. Merci. À très vite sur Studek Web. Ne bougez pas, on continue à se cultiver sur Studek Web. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing to have loved and I've lost. But that's not what I see. So look what I got. Look what you taught. Ariana Grande a fait un cadeau insolite à sa grand-mère de 93 ans puisqu'elle lui a offert son premier tatouage ce week-end. On va réagir au sondage de tout à l'heure. Lucas, tu peux nous le rappeler ? Oui, bien sûr. C'est 67% des jeunes interrogés préfèrent avoir des cadeaux plutôt que de l'argent à Noël sous le sapin. Voilà, alors on a déjà un petit peu débattu tout à l'heure et maintenant on a une auditrice qui est avec nous. C'est Lucie. Salut Lucie. Salut, salut toute l'équipe. Salut Lucie. Alors Lucie, tu nous viens directement de Lyon. Oui, exactement. Et tu travailles dans un magasin de prêt-à-porter. C'est ça. C'est ça, super. Alors toi, qu'est-ce que tu préfères entre gagner de l'argent, enfin avoir de l'argent à Noël, pardon, ou avoir des cadeaux ? Alors moi, je préfère largement l'argent. Ah d'accord. Mais j'ai une raison. Ah, bon bah on t'écoute. Ouais, en fait, un jour, on m'a offert un saut en parachute, mais le problème, c'est que moi, c'est ma phobie. Je déteste la hauteur, j'ai vertige. Du coup, bah, j'ai revendu sur eBay, voilà. Ah d'accord, tu t'es acheté autre chose. Tu t'es acheté autre chose avec, du coup, ou t'as fait quoi ? Non, du coup, je l'ai juste vendu et j'y suis pas allée, quoi. Ah, oui, mais t'as gardé l'argent ou tu t'es offert autre chose avec cet argent ? Ah non, j'ai gardé après l'argent. Ah d'accord. Bah oui, quand même, on va pas le donner à quelqu'un. C'est cool d'être pote avec Lucie. Ah bah oui. Elle revend ton cadeau. Toi, Thomas, tu ferais quoi ? Tu préfères quoi ? À l'argent ou... Je suis mitigé parce que t'as de l'argent, tu fais ce que tu veux. Moi qui suis très compliqué pour les cadeaux, je suis très chiant, je l'avoue. Mais à la fois, quand tu vois un cadeau, une forme bizarre, tu dis c'est quoi ? Et quand la personne s'est pas trompée, elle t'offre un super truc, t'es hyper content, quoi. Ouais, exact. C'est sûr. Peut-être plus cadeau quand même. Donc Lucie, tu veux plus jamais de cadeaux ou tu laisses quand même un petit peu de place à la surprise encore ? Non, que de l'argent. D'accord. Merci Lucie. Bah écoute, merci Lucie. N'oubliez pas de réagir vous aussi au sondage sur Instagram ou en nous envoyant un message privé sur la page Facebook de StudecWeb. C'est le moment de faire un point sur ce qu'il se passe en ce moment dans les médias. Alors, selon le groupe Universal Music, la chanson Bohemian Rhapsody est la musique la plus écoutée du XXe siècle. Sortie en 1975, elle a été écoutée plus de 1,6 milliard de fois sur les plateformes de streaming musical. Connaissez-vous ce chanteur ? Cent, en plus d'être un rappeur, acteur, homme d'affaires, il serait aussi de bons conseils pour sauver un mariage. C'est tout, en tout cas ce qu'il semble faire croire sur les réseaux sociaux, car l'interprète de Candy Shop, du coup, fait ce qu'il peut pour convaincre Cardi B et Offset de ne pas divorcer. Le rappeur en vogue a donc annoncé dans une vidéo postée sur Instagram qu'elle se séparait du père de sa fille, et la situation ne semble pas envisageable pour 50 Cent. Google a révélé son classement des événements les plus recherchés en 2018. En première place, pardon, sans grande surprise, on retrouve la Coupe du Monde de football. Ah, c'est beau. Allez les bleus, allez. J'en profite pour rappeler, pour ceux qui oublient, qu'on est quand même champion du monde. Voilà. En deuxième place, c'est le décès un peu moins fun d'Anthony Bourdin, juste devant celui de Stephen Hawking. Le mariage royal, lui, arrive en quatrième position. Je vous rappelle qu'à 15h50, c'est le jeu des poupées russes sur StudecWeb. Vous aurez la possibilité de jouer contre Lucas ou Thomas. Je vous laisse rappeler vos thèmes respectifs, Lucas. Moi, c'est les animaux. La boulangerie pour moi. Très bien, faites le bon choix. Mais attention, un thème peut en cacher un autre. Pour participer, envoyez-nous un message privé sur la page Facebook de StudecWeb. On vous attend nombreux. Lucas, dans quelques minutes, tu nous présenteras les spectacles à voir cette semaine. Oui, avec Florence Foresti qui est de retour à Paris avec un très très bon spectacle et assez hors du commun, on va dire. On attend ça avec impatience. La musique aussi est au programme. Joyce Jonathan avec son dernier titre On. Restez avec nous, les infos arrivent dans quelques secondes sur StudecWeb. À 16h sur StudecWeb, Corentin, Pauline et Valentin seront là pour leur émission quotidienne Leur Média. Au programme, un débat animé entre les chroniqueurs. Je lance tout de suite le sujet. Le salon de la radio est-il légitime ? N'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook. Ils feront également un point sur l'actu dans le journal Média et mettront à l'honneur l'année 2006 dans leur émission. Retrouvez Corentin et son équipe dans Leur Média dès 16h sur StudecWeb. Qu'est-ce que vous pensez du salon de la radio, les gars ? Eh ben, on y sera. On y sera. Tous vos tubes préférés sont sur StudecWeb. h30 sur StudecWeb. StudecWeb, les infos. Le flash Guillaume Buant, bonjour Guillaume. Salut Anaëlle, salut à tous. Le principal suspect de l'attentat terroriste, Shérif C, est toujours en fuite. Hier soir, l'auteur de l'attaque sur le marché de Noël de Strasbourg a fait 2 morts, une personne étant en état de mort cérébrale ainsi que 13 blessés. Radicalisé et avec un lourd passé judiciaire, il est également fiché S par les services antiterroristes après son passage en prison de 2013 à 2015. Plus de 720 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui pour retrouver celui qui a semé la terreur, selon les mots du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Il est décrit comme un homme discret qui habitait seul dans un petit appartement. 4 proches de l'assaillant ont été placés en garde à vue cette nuit. 2 parents ainsi que ses 2 frères annoncent du procureur de Paris Rémi Hetz. Des perquisitions ont également été menées par la police dans des lieux susceptibles d'avoir été fréquentés par l'homme. Selon plusieurs témoins, il aurait crié « Allah Akbar ». La police allemande et française effectue des contrôles dans les trains et sur les routes tout au long de la frontière. En bref, dans l'actualité, suite à l'attentat de Strasbourg, la motion de censure déposée par la gauche à l'Assemblée nationale sera votée demain. À partir de 16h30, les députés ont rendez-vous donc aux urnes. Alors pour faire tomber Édouard Philippe, il faudra au groupe réunir une majorité, ce qui est impossible au vu du contingent de la gauche, 60 élus au total par rapport à 577 députés que compte l'Assemblée. Le groupe Total fait un geste pour ses salariés. Son PDG a annoncé hier soir une prime exceptionnelle de 1500 euros à tous ses employés en France. 20 000 personnes pourraient donc bénéficier de cette prime, soit un coût total pour l'entreprise d'environ 30 millions d'euros. Cela intervient quelques jours après l'annonce d'Emmanuel Macron lundi concernant les mesures sociales pour tenter d'apaiser le colère des Gilets jaunes. L'an dernier, les salariés du groupe avaient touché 500 euros de prime d'intéressement. Orange, Publicis, Altice, LVMH ou encore Kering ont annoncé hier qu'ils allaient eux aussi verser des primes en fin d'année à leurs salariés. Theresa May assure qu'elle se battra de toutes ses forces contre le vote de défiance l'avisant. Dans une courte allocution devant le 10 Downing Street, Theresa May a déclaré qu'elle était fermement décidée à finir le travail de mise en œuvre du Brexit. Pour elle, un changement de dirigeant aujourd'hui mettrait l'avenir du Royaume-Uni en danger. Le vote doit avoir lieu aujourd'hui à 18h30. Si au moins 159 députés sur 316 conservateurs s'expriment contre la Première ministre, elle sera renversée. La météo de cet après-midi, le soleil s'imposera sur le nord, les nuages seront présents sur l'est et la moitié sud, la pluie fera son apparition sur les Pyrénées et l'Occitanie. Pour les températures, comptez entre 1 et 13 degrés, il fera 2 à 3 degrés sur l'est et le nord, 9 en Bretagne, 12 pour la façade atlantique et la maximale sera de 13 degrés pour Perpignan. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Retrouvez Anaëlle et toute son équipe pour le Studec Borderline. Merci Guillaume, retour des infos à 16h. C'est Borderline sur Studec Web. Vous êtes dans Studec Borderline. Je suis toujours avec Thomas et Lucas. Salut les gars. Hey, salut tout le monde. En parlant de vous, ne bougez pas. Les poupées russes, c'est un de nos rendez-vous quotidiens de l'émission et c'est avec vous justement. Alors, qui allez-vous affronter aujourd'hui? Lucas et ses animaux. Et les animaux de Lucas. Ou Thomas. Et la boulange. Et la boulangerie. Et la boulange. Voilà, vous êtes plutôt branchés animaux ou boulangerie, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a aucun rapport, mais on si, attend. Des fois. On peut trouver. On peut trouver. On sait jamais. On attend vos candidatures, en tout cas, ça va être très sympa. Les poupées russes, c'est à 15h50 dans Studec Borderline. On reçoit plein de messages là, justement, sur la page Facebook de Studec Web. Vous êtes super nombreux à vouloir jouer aux poupées russes avec nous. Continuez à nous écrire, hein. Je suis en train de tout lire. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Julie, fidèle auditrice qui nous écoute. Ce titre, c'est pour elle, c'est On de Joyce Jonathan sur Studec Web. Si peu de choses et tellement tout qu'on ne sait plus très bien pourquoi on joue. On se laisse, on se lasse, on abandonne vite à la surface et quand tout dégringole, on se carapace. Studec Web, on est ensemble jusqu'à 16h dans Studec Borderline. Avec le froid qu'il fait en ce moment, moi j'irais bien m'enfermer dans une salle de spectacle. Qu'est-ce que t'en penses ? Exactement. Ou sortir en décembre, hein, que vous aimiez comme Annaëlle aller au théâtre quand l'hiver arrive, ou vous avez plutôt envie de vous payer une bonne tranche de rigolade. Avec ce froid, j'ai cherché pour vous un spectacle à aller voir pour plaire à tout le monde et j'ai directement pensé à Florence Foresti. T'en connais des mamans calmes ? Si, les mamans calmes, c'est facile à reconnaître, c'est celles qui ne crient pas et qui ne courent pas devant l'école. Putain, mais moi, c'est mes deux grands piliers d'éducation, crier, courir. J'ai construit ma vie là-dessus. Ah ben non. Après avoir investi le théâtre de la Porte Saint-Martin, Florence Foresti annonce donc l'arrivée de son prochain spectacle, Florence Foresti Épilogue, qu'elle jouera à Paris, au Paradis Latin jusqu'au 18 décembre, puis au Zénith de la Villette pour une poignée de représentations programmées du 26 au 31 décembre. Beaucoup avaient été déçus de ne pas obtenir le précieux sésame pour assister aux quelques dates de Florence Foresti cet été à Paris, puisque l'humoriste avait en effet foulé les planches du théâtre de la Porte Saint-Martin du 13 juin au 7 juillet 2018 avec quelques représentations exclusives de son spectacle Florence Foresti s'ajuste. C'était l'histoire de se chauffer un petit peu, hein, et sans surprise, les places étaient parties comme des petits pains. Son dernier spectacle, si vous vous rappelez bien, datait de 2015 et il s'appelait Madame Foresti. Déjà, pour être égérie d'un grand parfum, faut être une séductrice. Excuse-moi, faut même être plus que ça. Faut être une muse. C'est-à-dire que l'homme, il voit passer une muse, direct, il a envie de lui écrire un poème. Il a surtout envie de la baiser, mais comme il est moche. Il va se fendre d'un petit poème avant, tu comprends, il est obligé de mettre le paquet, le pauvre. Florence Foresti avait donc remis le couvert en annonçant sur sa page Facebook de nouvelles dates de tournée avec son spectacle Florence Foresti Épilogue. Épilogue, hein, signifie s'ingénier à faire des critiques par le détail, faire des commentaires longs et superflus. Et c'est un petit peu le but de Florence, puisqu'elle a fait polémique, je sais pas si vous vous rappelez, dès l'annonce de son spectacle, car elle se bat contre les téléphones. Oui. Est-ce que vous avez entendu ? Oui, carrément. Oui. Elle veut pas qu'il y ait de téléphone portable pendant son spectacle. Oui, c'est bon. Pour la première fois en France, elle a voulu vivre une expérience unique sans mobile, et pour cela, elle utilise le dispositif Yondr. Alors ça s'écrit Yondr, et qu'est-ce que c'est que ce dispositif ? En fait, c'est simple. Vous prenez votre téléphone à l'entrée de la salle et vous le mettez dans une pochette qui vous sera donnée, hein, et dès que vous rentrez dans la salle, la pochette se ferme automatiquement à cause des ondes, je pense, ou quelque chose comme ça. Si vous avez besoin d'accéder à votre téléphone, il y a des postes de déverrouillage aux quatre coins de la salle, mais à la fin du spectacle, toutes les pochettes seront déverrouillées d'un coup et vous pourrez à nouveau utiliser votre téléphone, et toute personne utilisant un téléphone portable en salle sera invitée à quitter la salle. Une manière pour profiter à fond du spectacle et ne se pas, surtout de ne pas le prendre en vidéo ou de filmer. Alors je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ça. C'est pas mal, mais voilà, si t'as un une urgence, ouais, t'as quelqu'un de ta famille qui a un gros problème, ou je sais pas, tu vois. T'attends une naissance, un truc de genre. Voilà. C'est un peu extrême pour moi. Exactement. Mais bon, cette fois-ci, l'humoriste vous donne donc rendez-vous du 5 novembre au 18 décembre, donc au Paradis Latin, un cabaret situé près du 5e arrondissement. Et c'est pas tout, puisqu'elle, donc, comme je le disais, elle sera au Zénith de Paris pour quelques représentations du 26 au 31 décembre. Inutile de vous dire que le spectacle de Florence risque de faire des curieux et des envieux. On vous le dit, il y aura pas de place pour tout le monde, hein. C'est un spectacle inédit que je vous conseille d'aller voir. Alors, allez-y et bon spectacle. Je pense que je vais y aller, en tout cas. Merci, Lucas. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur la page Facebook de Studec Web. La pop, c'est bien. Le rock, c'est bien. La pop rock, c'est bien mieux. L'instant pop rock sur Studec Web. C'est le moment de parler pop rock et aujourd'hui, c'est le groupe américain One Republic que je mets à l'honneur. Retour sur ce groupe originaire du Colorado où les membres se rencontrent au lycée en 1996. One Republic ne se forme pas tout de suite, mais seulement quelques années plus tard, en 2002. Alors pendant plusieurs années, ils vont travailler sur leur premier album, Dreaming Out Loud. Et petite anecdote, ils avaient signé chez Columbia, qui les a lâchés deux mois avant la sortie de leur album. Donc ils ont décidé de le publier sur la plateforme MySpace en 2007. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait repérer, d'ailleurs par Timbaland, qui va les faire signer sur son label. Le succès de ce premier album les a fait gagner en notoriété. Et je sais pas si vous le saviez, mais les membres du groupe ont notamment fait une apparition dans un épisode de la série Smallville. Je sais pas si mais ça vous connaissez. Non, bah, si avec qui c'est ça a quelques années quand même. Oui, c'est pas tout jeune. C'est tout jeune, hein. C'était dans les années 2000, donc acteur en plus d'être musicien. L'album suivant, c'est Waking Up, qui voit le jour en novembre 2009, et il est directement propulsé en 21e place dans les charts américains. Dans ce deuxième opus, on peut notamment retrouver les singles All the Right Moves, Good Life ou encore Secrets. One, two, One Republic est rapidement devenu incontournable aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Leur troisième album Native voit le jour en 2012 et il devient très rapidement disque de platine. Il atteint le top 10 dans plusieurs pays européens. Leur dernier album, c'est Oh My My, sorti en 2016. Et pas de surprise, c'est encore un assez gros succès. Dernièrement, ils ont sorti un nouveau single il y a 3 mois. Ça s'appelle Connection, je viens de le dire, c'est sorti il y a 3 mois et ça présage l'arrivée imminente d'un 5e album. Pour conclure sur ce portrait de One Republic, je vous propose de découvrir ou redécouvrir Apologize, single issu de leur premier album et surtout premier grand succès qui a fait exploser le groupe dans le monde entier. C'est un titre incontournable, donc indémodable aussi, utilisé d'ailleurs dans de nombreux films et séries, c'est Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say, Web vient de vous passer Apologize, la version avec Timbaland, c'est le plus gros succès de One Republic sorti en 2007. Pour conclure, je propose juste qu'on adresse une petite pensée à Columbia qui a lâché le groupe au début de sa carrière. Ils doivent bien se mordre les doigts actuellement. On a reçu plein de MP sur la page Facebook StudéQueb pour jouer avec nous aux poupées russes. Vous préférez affronter Lucas ou Thomas? On le saura dans quelques minutes dans StudéQ Borderline. Restez avec nous, Corentin arrive. On lui a préparé une petite surprise avant qu'il ne prenne l'antenne. Si tu nous écoutes, Coco, prépare-toi, ça ne va pas être triste. Lenny Kravitz arrive sur StudéQ avec son titre Low. On vous prépare aussi le jeu des poupées russes. Tout ça, c'est dans quelques minutes. Le GPS, c'est tous les jours, 17h-18h sur StudéQ. Avec Kenzie et Mehdi, on vous raccompagne chez vous après le boulot. Au programme, on remontera le temps dans le Vinyl Story. On retrouvera évidemment la boîte à gants et on jouera également au jeu de la marche arrière. Vous pouvez peut-être venir nous voir dans les studios de StudéQ Web si vous reconnaissez la bonne année au jeu de la marche arrière. 17h-18h, c'est l'émission qui vous raccompagne chez vous. Le Grand Prime StudéQ, c'est le GPS sur StudéQ Web. C'est Borderline sur StudéQ Web. Yeah. someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying. Lenny Kravitz sera en concert le 5 juin prochain à l'Accor Hôtel Arena de Paris. On joue au jeu des poupées russes sur Studekweb. Vous avez été super nombreux à nous envoyer des messages pour jouer aux poupées russes avec nous et c'est Lucien qui est avec nous en direct. Salut Lucien. Salut, salut l'équipe. Salut Lucien. Lucien, tu habites à Paris, tu es en école de commerce. C'est ça. T'es en quelle année ? Je suis en deuxième année. D'accord, et ça te plaît ? Ouais, bon ça coûte une blinde mais ça me plaît. Bon bah c'est le principal. Alors je te rappelle le concept du jeu, Thomas et Lucas ont chacun un thème à défendre. Je vous laisse présenter chacun votre thème. Moi c'est mon thème, c'est les animaux et si tu aimes les animaux tu me choisiras. Et moi c'est la boulange, si tu aimes la bouffe tu me choisiras. Alors on va dire la boulangerie, il a dit boulange. Oui la boulangerie, pour, ça, t'es éliminé, pour les intimes, boulange. Voilà, Lucien, quel thème, avec lequel thème es-tu le plus à l'aise ? Plutôt les animaux je pense. Plutôt les animaux, ouais. Tu vas jouer avec Lucas. Lucas je te laisse présenter. Alors, tu as choisi le thème des animaux mais attention car mon sous-thème est un peu différent. Tu vas devoir me nommer 6 animaux que l'on peut monter. Monter ? Monter, ouais, okay. Que tu peux mettre une selle et aller dessus et galoper dans les champs et les prairies. Ça te très va ? Très bien, ok. Tu me dis quand t'es prêt ? Ben c'est parti. Allez hop, go. Ben un cheval déjà. Exact. Un dromadaire ? Ouais. Annaël, ça compte? C'est très beau. Je suis pas très à l'aise. Mais... qu'est-ce que je peux monter? Un poney, ça compte aussi, parce que c'est ça pas. Ça monte, ça compte, ouais. Qu'est-ce que j'ai voyagé aussi un peu, donc je réfléchis un peu, tu vois, j'ai un peu de. Dans le même style que dromadaire. Un éléphant? Oui, malheureusement, oui. Il en faut combien encore? Il en faut encore deux. Deux. Qu'est-ce qu'on peut monter? Dans le même style que dromadaire. Un chameau. Exact, exact. Allez, plus qu'un. Et dans peut-être. Et un si je te fais un dauphin dans l'eau, un non. Dauphin. Bah, et si je te fais un marche. Tu peux monter les dauphins. Un âne. Voilà. Et bravo Lucien, félicitations, tu remportes le pack Studekweb avec la casquette, les stylos, le mug, la compile, plein d'autres surprises et t'es invité dans les studios de Studekweb. Ah, super, merci beaucoup. Voilà. Et désolé Annel, hein, c'était pour. Non, mais il n'y a pas de problème. Je suis habitué avec les deux énergumènes. Oh, ouais, ça va. De moi. Lucien, en tout cas, tu viens de nous voir quand tu veux à la radio. Merci cool. beaucoup. Merci à vous. Je vous demande de vous arrêter. Le serment d'hypocrite sur Studekweb. Et malheureusement, c'est déjà le moment de se quitter, mais pas de panique, hein, dans Studek Borderline, on fait toujours ça bien. Corentin est avec nous, salut Coco. Et bonjour à tous. Toujours la bonne humeur en salut tout cas. Coco. Écoute, on t'a préparé un petit jeu, histoire de voir si tu connais bien tes collègues de Studekweb. On va chacun te donner une anecdote, une seule est vraie parmi les trois. À toi de deviner laquelle, est-ce que tu es prêt ? Je suis totalement prêt. Thomas, je te laisse commencer. Ah, mon honneur. Donc, moi j'étais chez mon cousin, qui est agriculteur. D'accord. Voilà. Et donc forcément là-bas ils vont pas acheter les déchets. Oui, forcément. Enfin, je dirais, oui, forcément, c'est logique. Voilà, agriculteur, parce qu'il y a plein de déchets, donc il va pas la déchetterie, il les brûle. D'accord. C'est comme ça. Oui, donc, ça on a un endroit beaucoup, spécifique ça, ouais. Et on les met là. Ouais. On il y en avait beaucoup, donc il fallait le cramer pour ça diminue, quoi. Oui, forcément. Forcément. Et on l'a fait, sauf qu'il y avait un arbre qui avait vachement poussé. Ouais. C'était en période sèche. Je veux dire en automne, quoi. Et ben donc l'arbre a pris feu. L'arbre a pris feu. Tout simplement. C'est dramatique, on a réussi. Oui, bah, il était tout seul, on a réussi à calmer le truc. Okay. Tout s'est bien terminé. plus de peur que de mal. Sauf pour là. Sauf... Oui. Ouais, ouais, il était un peu amoché. Ouais. Il était un peu amoché. Mais bon. Voilà. Alors, on va rester dans le thème de la famille et du feu. Hein, Lucas, c'est à toi. Oui, moi, c'est avec mon cousin. On était en vacances, c'était il y a évidemment, des années. Évidemment, vous avez des cousins pyromanes. On est des cousins pyromanes. on était en vacances et j'ai un petit cousin et un grand cousin. Et avec mon petit cousin, on aime bien faire chier mon grand cousin. Ouais. Et du coup, il dormait, enfin, il somnolait sur le canapé. Et nous, on avait joué avec un briquet. Et en fait, il avait une chaussette, tu vois, une chaussette. Et il y avait des petits filaments qui sortaient de la chaussette. Ouais, donc, on a mis le feu à un filament, à deuxième filament. Sauf qu'au bout du troisième filament, en fait, c'est toute la chaussette qui a pris feu. Et on a paniqué, on s'est barré. Lui, s'est réveillé. Et il a tapé, bon, il a failli cramer, on a cramé les... Bon, il y a quand même quelques cloques sur son pied, mais il va bien. Ah, mais comme, ah, mais t'es sérieux. Mais il va bien. C'est terrible. Son pied aussi va bien, apparemment. Bah moi en fait la mienne ressemble un petit peu à la tienne parce que j'étais dans ma chambre en train de jouer avec mon frère, on avait de la moquette, j'avais 5 ans ou 6 ans même pas. Et mon frère, je sais pas pourquoi, il avait des allumettes alors que lui, je sais pas, il avait 9 ans. Baptiste, il s'appelle Baptiste. Ouais, c'est une private joke, désolé. Ouais, non, c'est pas grave. Ah, c'est pour l'audience auditeur, cette vidéo qui a tourné où le mec mais c'est ça. Ah oui, c'est bon. Oui, voilà. Mais le feu à sa chambre. On vous mettra le lien sur la page Facebook ou c'est une vidéo humoristique. Voilà. Et bon, je peux raconter mon anecdote ou pas? Oui, c'est possible. Pardon, et du coup, j'étais donc avec mon frère, il s'amusait à brûler mon doudou. Oh, le méchant. Oh, c'est horrible. Enfin, toi t'as brûlé une chaussette, hein, c'est pas mieux. Oui, bah un doudou, c'est un symbole. Sauf que bah à un moment, j'ai voulu enfin j'ai paniqué parce que bon bah il brûle mon doudou, voilà, c'est mon doudou, et sauf qu'il est tombé sur moi et ça m'a brûlé une petite partie de la jambe. J'ai une petite cicatrice sur la jambe droite. Sur la jambe droite, d'accord. Voilà, alors on t'a donné nos trois anecdotes. Ouais. À toi de deviner laquelle est vraie. Moi, je pense que c'est la tienne qui est vraie parce que l'histoire du cousin, c'est toujours des trucs trop approximatifs. Toi, tu désignes qui? Parce que moi, je désigne Anel, pardon, c'est Anel qui dit la vérité. Tu désignes, alors. Ouais. Pour moi, c'est Anel qui dit la vérité. Tu es sûr? C'est ton dernier mot, Jean-Pierre? C'est mon dernier mot. L'histoire du cousin, quand ça commence par j'ai un cousin, ça va rien. On connaît. Tu vas en avoir un, non? Oui. Alors pour t'informer, mon anecdote est vraie, mais elle n'est pas arrivée à moi, mais à ma sœur. Et elle a du coup une cicatrice sur le front. Donc elle est fausse. Donc elle est fausse, tu t'es trompé. Et la vraie réponse, c'est Lucas. Oui, j'ai cramé le pied de mon cousin. Je suis taré. Bon, bah, finalement, ça se termine bien en tout cas. Studek for Borderline, pardon, c'est déjà fini, mais pas de panique. On revient demain dès 15h avec Thomas et Lucas. Coco, pardon, tu vas prendre la suite. Exactement, ouais, avec Pauline et Valentin. Bah, superbe. Bah, voilà. Comme toujours, un petit débat. Eh ben, si, un petit débat, oui, avec le salon de la radio, tiens, qui commence le 24 et 26 janvier. On va parler de ça dans le débat. D'accord. Et puis voilà, aujourd'hui c'est mercredi, c'est cinéma. Bon, donc, bah super. Sortie de film, bah, on va analyser tout ça. Mais nous, on va t'écouter, c'est quoi? On va t'écouter. J'espère bien. Ouais. Voilà. Bah, j'ai un petit faim, une petite faim. Ouais, si on peut l'écouter en mangeant, on peut faire deux choses en même temps. C'est vrai. En tout cas, le 21e siècle est formidable pour ça. En tout cas, nous, on revient demain dès 15h. Hein. On vous parlera nouvelle scène, série du moment. Je vous prépare aussi un petit sujet sur les fêtes. Parce que ça rime avec famille, que j'ai pas mal de choses à vous dire sur la mienne. Vous retrouverez bien évidemment notre jeu des poupées russes à 15h50. Les gars, nous, on se revoit demain. Exactement, ouais. À demain. En tout cas, on vous souhaite à tous une super fin d'après-midi avec Coco et son équipe. À demain sur Studek Web. Chocolate fills the air and Christmas cheer does too. Picking out your Christmas tree so loudly, the joy this time it brings to you. Oh, oh, oh.